Ou de fois, c'est pas nécessaire. Mais c'est pas payé ou pas. Au moins, il y a un petit peu de capra. On ne tue pas. Sauf que, il y a un petit peu de capra. On ne tue pas. Il y a un petit peu de capra. Il y a un petit peu de capra. Il y a un petit peu de capra. Il y a un petit peu de capra. Il y a un petit peu de capra. Ça y est, non, move for all the chair father. Oh, you now who would you mean? I'm a cook on a yellow one. Mina, I see it to me at I'm going to go to the hospital.